soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, Marc et moi, on vous a sélectionné deux bonnes heures de musique et ce soir, on commence avec une nouveauté qui nous provient des États-Unis, de Minneapolis pour être plus précis. Il s'agit du groupe Bubble Matt, d'excellents musiciens américains qui malheureusement ne sont pas très productifs. Trois albums paru depuis 2001. Le groupe a été formé en 1995. Premier album est paru en 2001, donc je disais, c'est Such Fine Particles of the Universe. 16 ans plus tard, en 2017, Edit Peptide. Et maintenant, en 2022, l'album a pour titre Turf Ascension. Et enfin, c'est pas la dernière fois que vous allez entendre un extrait de cet album. Je le trouve excellent. Et puis, on va continuer avec Post Generation, l'album concept Control Z. Ça, je pense qu'on est rendu au troisième extrait qu'on vous présente. Et par la suite, Marc, ben, on présente un autre groupe américain qu'on a adopté à Terra Incognita. Oui, en effet, il s'agira du quatrième extrait de la nouveauté de la formation américaine Lobate Scarp, l'album You Have It All, paru au mois de mai. On aura la pièce Lifeline, et ce sera suivi d'une nouveauté de la France, une formation de Toulouse, projet de Mathieu Torres, MZ, et ce sera un extrait de son nouvel album paru le 24 juin, La civilisation de la graine. On aura la pièce Des récits. Mais tout d'abord, on débute avec l'excellente formation américaine Bubble Math. Just before, membranes pulling through. was that night. It went so far and called by the bright light. Cause it's not like me to invest in this right now. I just can't see the edge of it somehow. Could it be you? Could it be you? Could it be you? CKRL 89.1. CKRL 89.1. Salut, je m'appelle Zita Bombardier et je suis animatrice d'univers francophone et de première loge ici même à CKRL. Ça fait déjà 3 ans que je fais partie de la famille et j'ai vraiment passé par toutes les étapes. J'ai commencé en tant que chroniqueuse. Ensuite, je me suis retrouvée à couvrir le Festival d'été de Québec avant qu'on m'offre l'émission Univers francophone. Et je suis très, très choyée, très reconnaissante surtout à donc cette belle équipe-là d'avoir cru en moi, de m'avoir offert cette belle opportunité et d'être toujours présente, d'être toujours là. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, ben, on aura dans un premier temps une formation italienne qui est disparue depuis plusieurs années, Floating State, et ce sera un extrait de l'album concept Treasure Island, un projet là, de Colossus Musea. C'est paru en 2007, la pièce The Shore and the Breathing Night Part 2. Le groupe a réussi à réaliser un seul album en 2003, 13 Tolls at Noon. Et ce sera suivi de Dagmar, As Far as We Get, un groupe de Québec et, à mon avis, probablement un des meilleurs groupes de sa génération. L'album est paru en 2001 et c'est un extrait du second et dernier album de ce groupe. Et puis après, Marc, ben je pense qu'on revient en Italie. Oui, on terminera avec le plus récent album de la formation italienne Conqueror. Et c'est paru en 2019, leur album In Orbita, leur 6e album en carrière. De 2003 à 2019. Et cet album-là est vraiment excellent. Moi, je l'adore. Mais tout d'abord, comme tu disais, Michel, on débute le bloc musical avec Floating State et un extrait de Treasure Island.

manifest. Thank you. Tempo che non tornerà, fiumi d'argento, montagne di rose. faccio forte come le mani e la mente adesso. Una sinfonia di colori, pioggia di rumori, calmano, annientano ogni traccia di pensiero che non riesce ancora a credere. Ci sia un'altra forma, un'altra immagine di sé. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura deux formations italiennes et une formation canadienne-québécoise. Alors, cette formation, c'est Amadriad, et ce sera un extrait de leur troisième album intitulé Intrusion, paru en 2010. Leur plus récent, The Black Hole, était paru en 2018. Alors, de cet album, on aura Pray to My God. Juste avant, on aura la formation The Watch, qui présentait en 2014 leur sixième album Tracks from the Alps. On aura la pièce Atlas. Et pour débuter, Michel, une formation italienne qui, en 2019, faisait un retour sur leur premier album paru en 1995 à l'origine. Oui, on parle de Finistère qui, en 2019, était venu nous présenter le nouvel album de cette année-là, Finistère 25, non pas parce que c'était le 25e album du groupe, mais c'était pour souligner le 25e anniversaire de la parution du tout premier album de Finistère qui s'intitulait tout simplement Finistère, un album qui à l'époque avait surpris beaucoup et ça marquait un peu le retour du rock progressif italien avec cette vague de groupes là, qu'on a connue au début des années 90. Et ce Finistère était probablement un des disques qui a le plus fait jaser à l'époque. À l'origine, Fabio Zuvanzi voulait remixer l'album original, mais devant la difficulté à mettre la main sur les bandes originales, eh bien, il s'est décidé à pourquoi pas ne tout réenregistrer. Donc, on retrouve trois des membres à l'époque. Il y avait Stefano Marelli, Fabio Zuvanzi et Boris Vall, auxquels se sont joints le claviériste Agostino Macor et le batteur Andrea Orlando. Et on y va avec Finistère, un extrait de l'album 25. We'll be right back. am is so familiar. Standing on the edge of nowhere, feel the cool air blowing my hair. Standard model breaks inside. Broughton still alive. Future arrives for us all. Sometimes feel we're getting nowhere. This is the line. Take it, it's fine. Measured by the amount of clothes, or in a string tied around your wrist. Guilt, guilt, guilt is served to plenty. Don't question the written words. Never mind how the world has changed. Guilt, guilt, guilt, enough for everyone. Don't mind my situation. The sacrifice will be good for you. Give, give, give, CKRL 89.1. CKRL 89.1. Simon Roy avec vous. Mon amour pour CKRL a commencé en 89 lorsque je suis arrivé à Québec. C'était toute une joie de découvrir cette radio vraiment hors de l'ordinaire. En 2007, j'ai commencé à animer l'émission Web Musique. À chaque semaine, je faisais un survol des nouveautés de la scène Net Audio. Moi qui pensais faire seulement la saison d'été, 10 ans plus tard, j'étais toujours à la barre de l'émission. En 2016, mon implication s'est intensifiée. Je suis devenu le technicien de la station à temps plein. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la nouveauté de Headspin, qui est le projet de Andy Scoffin du Royaume-Uni, qui est guitariste et multi-instrumentiste. Donc, c'est son album Escape Velocity, premier album. Il y avait eu deux EP parus en 2022 et 2021. Mais ce soir, on écoutera la pièce Moai. Et ce sera suivi, Michel, d'une formation américaine et d'une formation canadienne. Oui, on aura dans un premier temps un groupe de Chicago qui a pour nom District 97 et ce sera un extrait de son second album qui a pour titre Trouble with Machines. C'est paru en 2012, le groupe a 4 albums à son actif, dont le plus récent Screens remonte à 2019. Et puis de Toronto, on aura Half Past Four. De l'album Rabbit in the Vestibule. C'est le premier album du groupe et il est paru en 2008. Mais en attendant, on y va avec la nouveauté de Headspin. Headspin.

C'est pas un look de winners. Non. Écoutez les Geeks contre-attaque tous les samedis 13h sur CKRL 89.1. C'est-tu moi ou le fade out qui est long pour rien? Pour ouvrir sa prochaine saison en grand, l'Orchestre symphonique de Québec célèbre la musique du Royal 22e Régiment. Le prestigieux ensemble de 35 musiciens s'unit à l'orchestre pour un soir seulement. Au programme, l'incontournable Boléro de Ravel, la célébrissime Toccata et Fugue de Bach et la Symphonie funèbre et triomphale de Berlioz. Rendez-vous le 15 septembre prochain au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.